le matin, c'est bang, ils ont les parts, c'est dead. Tous les jours, je serre mes verres, tous les jours, je calme mes nerfs. J'ai trop géré de bail, ouais, faire un mal au dos. Plus de peine, je m'envole dans les allées sales toute la journée. Moi, j'attends ma paye, je veux plus galérer. Personne ne m'arrête, personne m'a aidé. Je veux faire mailler la maille, ouais, ouais, pour m'aérer. Tous les jours de l'année, j'ai 4 au casse dans pocher ta paye. Je m'aime moi pas, les gens, dernier jugement revient tous les jours de l'année. Je vois rien de réel. Comment peuvent-ils croire que je les aime? Je m'aime moi pas, les gens, dernier jugement revient tous les jours de l'année. La rue a élevé ma haine, la rue a épongé ma peine, la rue a fait changer ma vie, la rue a ravagé la tienne. Ouais, la vie c'est comme une femme, la traite pas de pute, tu la connais pas. Quand c'est pas tous les jours, c'est toutes les heures de tous les jours de l'année. T'es de Jack Mel dans les veines, briser les chaînes, j'en rêve. Où l'argent est, j'irai, si argent il y a, j'aurai. Finir en laisse, je pourrais pas l'accepter. Je signe papier dans la belle Marseillaise. J'ai Charlotte Chop, il est rentré dans le business aveuglément. Mais si les portes s'en mêlent, il sera pété fortement. Je pense à ma daronne, je pense à ma carrière. Je défonce les barrières, je regarde plus en arrière. De l'année, j'ai 4 au casse dans pocher ta paye. Je m'aime moi pas, les gens, dernier jugement revient tous les jours de l'année. Je vois rien de réel. Comment peuvent-ils croire que je les aime? Je m'aime moi pas, les gens, dernier jugement revient tous les jours de l'année. La rue a élevé ma haine, la rue a épongé ma peine, la rue a fait changer ma vie, la rue a ravagé la tienne. Ouais, la vie c'est comme une femme, la traite pas de pute, tu la connais pas. Quand c'est pas tous les jours, c'est toutes les heures de tous les jours de l'année.